troisième séquence sonore de l'Arlequin, AR3. Les sons publics perçus dans l'espace privé. Quatre fragments sonores. Premier fragment, jeu d'enfant dans la crique du numéro 30, entendu depuis le 9e niveau du 30.